ses projets. Étant donc parti avant le temps, il visita les colonies latines, qui nourrissaient des prétentions au droit de cité romaine, et il les aurait poussées à quelque audacieuse entreprise, si dans cette crainte même, les consuls n'avaient retenu quelque temps les légions destinées pour la Cilicie.